L'annonce du cessez-le-feu nous réjouit, d'autant plus qu'elle vient juste à la fin de notre visite officielle et au moment où nous nous trouvons encore sur la terre de la France. Le destin a une fois de plus réservé au Tchad le singulier privilège de vivre une heure historique de première importance. Je suis particulièrement heureux que ma présence ici coïncide avec cette issue que tout le monde attendait. Cette nouvelle ne peut laisser insensible aucun pays, et principalement les républiques sœurs d'Afrique. Une fois de plus, le général de Gaulle, l'homme du 18 juin 1940, a trouvé une solution à un problème qui était jusqu'ici insoluble. Je souhaite ardemment au gouvernement français, à tous les Français et au général de Gaulle, en particulier, une période de paix et de coopération fraternelle avec l'Algérie indépendante. Autre réaction, celle du président de la République malgache, Philibert Tsirane.